الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إننا نعيش أياما على إثر عبادة جليلة عظيمة وطاعة يحبها الله سبحانه وتعالى وجعلها ركنا خامسا من أركان الإسلام ألا وهي حج بيت الله الحرام بما فيه من الأجور العظيمة والمنافع العديدة تعود على الحاج ومن تدبر أفعاله وعاش أيامه يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام الآية أيها المؤمنون عباد الله وإن كنا قد ودعنا الحج وانتهى ومضى فإن دروسه العظيمة ومنافعه العديدة الكثيرة وفوائده المؤثرة ينبغي أن تكون حاضرة عند كل مسلم الحج مدرسة إيمانية تربوية علمية أخلاقية جامعة ومن هذه الدروس العظيمة والعبر أولا تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإذا تقرر أن الحمد والنعمة والملك لله رب العالمين وحده لا شريك له في كل ذلك فيجب على كلنا فيجب على الجميع أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة بالطاعة والخضوع بالحب والخوف والرجاء بالذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة قال جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ثانيا تحقيق الاستجابة لله رب العالمين قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فمن دروس الحج الاستجابة لله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوه من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج يربي نفسه على فعل ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فكلما توجه إلى مكان أجاب واستجاب لأمر الله عز وجل مرحلة مرحلة، نسكا بعد نسك، يقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. ثالثا تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. كثير أو قد ذكر الله عز وجل التقوى وأمر بالتقوى في غير ما آية تتعلق بالحج، في سورة البقرة: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وتقوى الله جل وعلا فعل ما أمر الله عز وجل رجاء ثوابه، وترك ما نهى عنه وزجر خيفة عذابه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهو خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعند أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا من جهة الأمر. أما من جهة النهي، عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع: أيها الناس، ألا إنما هي أربع، ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تسرقوا. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر من الكبائر. فالواجب أيها المؤمنون أن نلتزم تقوى الله تبارك وتعالى في الحل والحرم، في الحج وفي غير الحج. رابعا إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. واعلموا أن جميع العبادات إنما شرعت لأجل إقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، وفي الحج لتشهد منافع له ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكما أن الحاج يحافظ على وقته، وكلما انتقل من مكان إلى مكان يذكر الله عز وجل، فكذلك غير الحاج يحافظ على وقته ويذكر الله عز وجل. خامسا في الحج تذكيرا بيوم القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل، لا سيما يوم عرفة وليلة مزدلفة. وهكذا يذكرنا حال الحاج بمفاقد الدنيا، حيث يتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين كحال الميت إذا فارق الدنيا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، cessez de vous concentrer sur les pleurs de l'enfant. C'est un enfant, il pleure et il ne nous dérange aucunement. Atarallahu fi umri wa barakallahu fi wa fi awladi. Qu'Allah le bénisse et qu'il bénisse nos enfants. Si un enfant pleure, c'est complètement normal et on patiente et il ne nous dérange pas. Mais concentrez-vous sur le prêche. Waffaqanallahu wa iyyakum. Mes chers frères, habitakumullah, nous vivons à la suite de certains jours qui étaient très bénis et très aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Des jours dans lesquels Allah Azza wa Jal a légiféré une des plus grandes adorations, le pèlerinage à la maison sacrée. Cette grande adoration remplie de récompenses, de pardons et de miséricorde. Et si certes le Hajj s'est arrêté et terminé et passé, s'en est allé, il nous faut savoir que les leçons à tirer du pèlerinage doivent rester auprès de chacun d'entre nous, et cela durant toute l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que dans le pèlerinage, il y a de nombreuses leçons et de nombreux bénéfices. Aussi, il nous convient donc d'étudier quelles sont ces leçons, et cela pour le pèlerin qui revient du pèlerinage, mais également pour tout croyant sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Le pèlerinage est donc une école qui éduque, que ce soit dans le comportement, dans la science, dans la croyance ou dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la plus grande leçon à tirer du pèlerinage et de toutes les choses légiférées pour l'accomplir est le fait d'adorer un Seigneur unique, et cela d'un culte sincère sans jamais rien lui associer. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a tous créés. Jalla wa ala wa ma khalaqtul dinna wal insa illa li'abudu. Je n'ai créé les dinna et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans le hadith de Jabir rapporté par Muslim radiallahu anhu, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam est entré en état de sacralisation par la formule du tawhid, de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et toutes les adorations, et parmi elles le Hajj, de manière plus claire et évidente, ont été légiférées pour qu'Allah Azza wa Jal soit la seule divinité adorée pour le seul, et qu'il soit le seul pour lequel on se prosterne, on sacrifie, le seul qu'on aime, qu'on craint et qu'on redoute, Jalla wa Ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, élevez sa voix et ordonnez aux compagnons d'élever leur voix en disant, labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Jusqu'à dire, toutes les lois, la royauté te reviennent de droit. Celui qui atteste de cela, qui proclame cela, se doit donc d'adorer Allah seul d'un culte sincère. Si Allah tabaraka wa ta'ala est seul maître, le seul propriétaire et le seul qui dispense ses grâces et ses faveurs sur ses serviteurs, c'est donc le seul pour lequel on doit se prosterner, le seul qu'on doit aimer, craindre et redouter, le seul pour lequel on sacrifie. Jalla wa ala, toutes les formes d'adoration lui reviennent donc de droit. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, dit certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela revient de droit à Allah le Seigneur des mondes. Deuxièmement, on apprend à concrétiser la soumission à Allah et le fait de répondre à son appel lorsqu'il nous invite à l'adoration, à faire un bien ou à délaisser un mal. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie des cœurs. Le pèlerin, depuis le jour où il sort de chez lui jusqu'au jour où il arrive au miqat, il ne fait qu'obéir à Allah et se soumettre à lui. Ensuite, il se dénude et il porte deux étoffes de tissu. Puis, il accomplit rite après rite, tout cela en réponse à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il délaisse les femmes, il délaisse les péchés, tout cela à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cherchez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. La meilleure des provisions est la piété. Le serviteur s'éduque donc dans le pèlerinage, et après cela, à être sur la voie d'Allah azza wa jal, à faire ce qu'il lui commande et à délaisser ce qu'il lui interdit. Et une des plus grandes leçons à tirer du pèlerinage est la piété, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et très souvent dans les versets relatifs au pèlerinage, on trouve cela. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est certes dur en punition. Dans un autre verset, prenez vos provisions. Et certes, la mère des provisions est la piété. Et redoutez-moi, ô vous les gens doués d'intelligence. Et redoutez-moi, ô vous les gens doués d'intelligence. Et la piété consiste à faire ce qu'Allah nous a ordonné en recherchant sa récompense. Et à délaisser ce qu'Allah nous a interdit en redoutant sa menace et sa punition. Et la piété, tout comme c'est la meilleure des provisions, c'est la recommandation faite par Allah aux premières générations et aux dernières. C'est la recommandation faite aux premières et aux dernières générations. Le prophète alayhi salatu wa salam, fi hajjati al-wada, nous a invité à cela en disant, craignez votre Seigneur, priez vos cinq prières, jeûnez le mois, c'est-à-dire Ramadan, jeûnez votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, acquittez-vous de la zakat, obéissez à vos dirigeants, vous entrerez ou pas dans le paradis de votre Seigneur. Il nous a également interdit des choses au pèlerinage d'adieu. Il a dit, il y en a quatre, c'est-à-dire interdit. Le polythéisme, al-shirk, puis il a dit le meurtre, puis il a dit la fornication, puis il a dit le vol. Donc le prophète alayhi salatu wa salam nous invite à concrétiser la piété en faisant ce qu'il nous a commandé et en délaissant ce qu'il nous a interdit. Et la piété n'est pas que durant le pèlerinage, mais c'est ta provision qui doit te suivre tout au long de ta vie et ce avec quoi tu dois rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, parmi les grandes leçons du pèlerinage, le fait de toujours évoquer et mentionner Allah. Le fait de toujours évoquer et mentionner Allah, et toutes les adorations en réalité ont été légiférées pour cela, pour qu'on fasse du zikr, pour qu'on mentionne et se rappelle toujours d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces adorations, le pèlerinage. Donc le pèlerin, tout comme il préservait son temps dans chaque étape du pèlerinage en faisant du zikr, il se doit après le hajj, et sans être en état de pèlerin, en état de sacralisation, il devra également évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Cinquièmement, dans le pèlerinage, il y a une autre grande leçon, c'est le fait de se rappeler des prophètes et de l'état des prophètes, car les prophètes faisaient le pèlerinage, et notre prophète, le meilleur d'entre eux également, faisait le pèlerinage sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous ordonne dans le Coran de suivre leur voie. Oulaika alladhina hadallah, voici ce qu'Allah a guidé, fabihudahum iqtadih, emprunte donc leur voie, prends-les donc comme exemple. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que dans une des mosquées de Mina, Masjidul Khayr, 70 prophètes y ont prié, 70 prophètes y ont accompli la prière. Et lorsque tu arrives pour faire le tawaf, tu te rappelles du prophète Ibrahim alayhi salam et du prophète Ismaïl alayhi salam, comme Allah nous dit dans le Coran, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl, rabbana taqabbal minna. Tu te rappelles qu'Ibrahim et Ismaïl ont élevé cet édifice, ont construit cette Kaaba. Lorsque tu finis le tawaf, tu vas prier de raka'a à maqam Ibrahim. Tu te rappelles, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Et lorsque tu bois l'eau de Zamzam, tu te rappelles la bravoure et la piété de Hajar radiallahu anha lorsqu'elle fit les sept allées entre Safa et Marwa à la recherche d'aide, à la recherche d'eau. Puis Allah Azza wa Jal fit jaillir l'eau de Zamzam, la meilleure eau au monde, l'eau bénie. Et c'est ainsi pour chaque étape du pèlerinage. Tu te rappelles du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu le voyais devant toi, pas à pas, tu le suis. Lita'khudhu anni manasikakum, car il nous a dit, prenez de moi vos rites, apprenez de moi comment faire le pèlerinage. Et rappelez-vous le texte de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Pendant le tawaf, il est parti pour embrasser la pierre noire. Et il a dit, wallahi, inni la'alamu annaka hajar, la tanfa' wa la tadur. La tanfa' wa la tadur. Hadi aqidatul muslim al muwahhid. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, alors qu'il fait le tawaf, il s'approche de la pierre noire pour l'embrasser. Et il dit, je sais que tu n'es qu'une pierre, ni tu ne peux m'être utile, ni me nuire. Et si je n'avais pas vu le message d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Donc ici on nous apprend à suivre le prophète alayhi salatu wassalam. On touche et on embrasse la pierre noire que parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, pas pour rechercher une baraka ou autre. La baraka ne vient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on s'éduque dans le pèlerinage à suivre les prophètes, à les prendre pour exemple. Et fi hajjati al-wada', le jour de Arafa, Allah Azza wa Jalla a révélé, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait donc, ce qui ne faisait pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. Ça n'est que le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et la mise en garde contre les innovations. Sixième point, at-tadhkir bil maut wal akhir. Le pèlerinage nous rappelle sixièmement la mort et l'au-delà. Remarquez que le pèlerin, lorsqu'il commence le pèlerinage, il enlève tous ses vêtements comme le mort, on le dénude. Il se lave comme le mort, on le lave. Ensuite, il se parfume comme on parfume le mort. Puis, il met deux vêtements, le rida et le izar, deux vêtements blancs, comme, tout comme on couvre le mort dans les vêtements blancs. Donc, ça nous rappelle l'état du mort lorsqu'il s'apprête à être enterré. Aussi, ça nous rappelle le jour du jugement dernier, le grand rassemblement, lorsque tu te trouves à Arafat et que tu vois cette marée humaine, tu te rappelles le jour où Allah tabaraka wa ta'ala va permettre à l'ange de souffler dans la trompe. Et le jour où tu seras ressuscité, nu, pieds nus, non circoncis et sans provision, si ce n'est les bonnes actions que tu as faites. Tout comme dans ce bas monde, pendant le Hajj, tu es nu, pieds nus, avec ces deux vêtements et tu n'as qu'avec toi tes provisions comme piété. Et tous sont égaux, que ce soit le gouverneur, le roi, ou le gouverné et la personne du peuple, tu les vois tous égaux, humiliés, en train de pleurer devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, en espérant son pardon et sa miséricorde, et en redoutant sa menace et sa colère. De la même façon le sont, de la même façon seront les gens du jugement dernier. Ils seront apeurés de la punition, et ils espéreront le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. La nuit de Muzdalifa pareillement, lorsque tu vois cette marée humaine, ça te rappelle le jour où on devra tous se tenir debout devant Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et personne ne manquera à cet appel. Waqifuhum innahum mas'ulun. Arrêtez-les, ils seront donc interrogés. Et Allah Azza wa Jalla fait référence à cela dans le Coran, dans les versets du Hajj, lorsqu'il nous dit wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et un des jours du jugement dernier, le jour du rassemblement. Donc on doit préparer nos provisions pour le jour dernier, le jour où les gens seront amenés à comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes. Et le dernier point sur lequel on conclut, c'est que durant le Hajj, on prend une grande leçon, celle au Ukhuwa al-Diniya al-Islamiya, la fraternité en islam. Lorsque tu es au pèlerinage, tu vois le blanc, tu vois le noir, tu vois le jaune, tu vois l'arabe, et tu vois que toutes ces personnes-là ont un seul but, le fait de rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et au pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la fadla ya arabi ala ajami wa la ajami ala arabi wa la abyad ala aswad wa la aswad ala ahmar illa bi taqwa. Il n'y a pas de mérite de l'arabe sur le non-arabe, du non-arabe sur l'arabe, du blanc sur le noir, du noir sur le rouge, si ce n'est avec la piété. Si ce n'est avec la piété. Aussi, tu vois une entraide entre les musulmans venus de toutes contrées. L'un a telle langue, l'autre a telle langue, mais ils s'entraident tous dans un seul et même but. Adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et ainsi, celui qui tire ces leçons-là, son cœur sera purifié de tout racisme et de toute maladie. Wal'iyadu billah. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن انتفع بدروس من دروس الحج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين. واقض الديون عن المدينين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. والله اعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن يعدنا فخير qui a perdu son père, il est décédé, il vous demande d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Fanas'alullah yaghfira lahu wa yarhamah. Nas'alullah yaghfira lahu wa yarhamah. Wa yarfa'a darajati fil jannah. Wa yusabbira man taraka min ahlin wa walad.